Parce que le stupéflip, c'est ça l'idée, c'est que ça devienne personnel. C'est un peu barré comme ça pour que les gens puissent se l'approprier. C'est ouvert, c'est beaucoup plus ouvert que n'importe quel truc. N'approche pas, je suis violent. Je n'éprouve pas de sentiments. Alors oublie-moi et reprends ton carton.